Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce soir, nous parlons des faux prophètes. On a toujours lu ça dans la Bible, et surtout dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 11. C'est ça le chapitre. Le livre, c'est Matthieu, le chapitre 24 et le verset 11. Ce que nous allons vérifier, les dires de Jésus-Christ lui-même d'abord, l'avertissement qu'il donne, qui est faux prophète et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a une telle confusion aujourd'hui sur le terrain. Lorsque vous annoncez l'évangile à quelqu'un, ou bien vous lui parlez, tout simplement de Dieu, il te dira qu'il est écrit quelque part qu'il y aura des faux prophètes qui vont venir. Et nous allons donc lire Matthieu chapitre 24 à partir du verset 11. Ça sera lu par la bouche de notre maman, maman Dédé, que vous connaissez parfaitement. Nous allons étudier la parole de Dieu. C'est une étude biblique en famille, puisque c'est une grande famille spirituelle, les enfants de Dieu de toutes les nations, dans le monde entier, aux États-Unis, regarde cette émission, en Europe, regarde cette émission, en Afrique, regarde cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner, vous voyez déjà sur votre petit écran, Temple des Nations YouTube. Sur Facebook, c'est le Temple des Nations. Vous ajoutez un article, le Temple des Nations, ça c'est sur Facebook. Mais sur YouTube, vous ne mettez plus le, vous mettez tout simplement Temple des Nations et vous tombez sur toutes nos vidéos et vous vous abonnez également. Il faudrait vous abonner sur YouTube Temple des Nations pour suivre nos enseignements tous les jours. Alors nous allons lire ce verset par la bouche de notre maman, et je vous dirai, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, pourquoi tu l'appelles maman et pourtant c'est ta femme. Nous allons décortiquer tout cela par le canal de la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 11, il est écrit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Verset 12, « Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Bien. Voilà, ça c'est la prédiction de Jésus-Christ lui-même. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Alors que les derniers jours touchent déjà à la fin, je ne dis pas que c'est la fin du monde, comme d'autres prétendent que Dieu leur a révélé la date, le mois, l'année de la fin du monde. Ce n'est pas ce que je veux dire ici, mais par, comparativement aux autres signes qui ont été cités depuis le premier verset du chapitre, jusqu'au verset 11, on peut conclure que nous sommes déjà véritablement vers les derniers jours de la fin de ce monde, puisque tout ce qui a été prédit par le Seigneur est en train de s'accomplir. Et les derniers jours ont commencé lors de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y aura plus autre chose que l'enlèvement après. C'est pourquoi, puisque les derniers jours touchent déjà vers la fin, les faux docteurs et les faux prédicateurs seront donc particulièrement actifs. Particulièrement actifs. Mais comment les reconnaître? Parce que le diable et sa cohorte, son royaume, jouent un rôle très important sur le terrain. Ils sèment ce que l'on appelle la confusion. Il y aura d'abord la manifestation des faux prophètes au milieu des croyants. Et ça a commencé dès les premiers jours. Juste après la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul aurait combattu contre les faux prophètes dans l'Église. L'apôtre Pierre aurait combattu contre les faux prophètes dans l'Église. Tous les apôtres ont combattu contre les faux prophètes, des fausses doctrines à l'Église, qui est donc le corps de Christ. Les croyants professants accepteront donc de nouvelles révélations même lorsque ces dernières entreront en conflit avec la parole de Dieu révélée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, que beaucoup de croyants entrent en conflit, acceptent de fausses révélations, acceptent de faux trucs qui n'ont rien à voir avec, qui entrent en conflit contre la parole de Dieu. Et on accepte ça aisément. Nous allons partir du côté des Saintes Écritures, c'est-à-dire 1 Timothée, le chapitre 1er. L'apôtre Paul, ici de son côté, il dit à Timothée, mon enfant légitime. Quels sont les signes qui accompagnent donc le faux prophète? Premièrement, le faux prophète ne parle pas de la nouvelle naissance. 1 Timothée 1er verset 2. Oui. Il est écrit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Bien, on va s'arrêter d'abord à ce niveau, nous allons continuer, c'est une longue lecture. Nous savons que Timothée, son nom veut dire celui qui honore Dieu. Il a reçu ce nom dans sa famille, par qui ce nom lui a été donné par sa mère et sa grand-mère, Eunice et Loïs, qui étaient sans contredit des Juifs. Donc des Juifs qui croyaient aux 10 commandements, à la loi de Moïse, mais qui ne connaissaient pas Jésus-Christ de Nazareth. Ces Juifs ont enseigné à Timothée les Saintes Écritures, comme l'apôtre Paul le dit. Elles ont enseigné les Écritures à Timothée depuis son enfance. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, l'atteste déjà. On va chercher le verset. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Ils ont enseigné les Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que Timothée, jusqu'à cette époque, il n'était pas sauvé. Mais il vivait dans une famille qui croyait en Dieu. Il lisait la Torah et les autres, comme sa mère, comme sa grand-mère également. Il est écrit, 2 Timothée 3, verset 15, « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. » Tu connais les écrits sacrés depuis ton enfance. Mais Timothée était-il alors converti? Non. Mais depuis son enfance, il connaissait les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Ils peuvent te donner la sagesse en vue. Donc, il n'avait pas déjà ce salut, mais en vue du salut, qui est la délivrance du péché originel, qui est la délivrance des péchés héréditaires, qui est la délivrance de nos propres péchés, et aussi la délivrance des malédictions y afférentes sur les trois étapes que je viens de citer. Première étape, le péché originel. Et ces malédictions se trouveraient quelque part dans le livre de Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 16, si je ne me trompe pas, ou bien 15, verset 16, verset 17. Ce sont les paroles, les malédictions prononcées par Dieu au premier couple qui aurait fondé tous les êtres humains. Dieu est passé par ces êtres, par ces couples, pour créer tous les êtres humains qui existent jusqu'à ce jour. Nous pouvons lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 7 pour voir les différentes malédictions que nous ne sommes pas responsables de ce péché. Ce n'est pas nous qui avions commis le péché, mais ce sont nos ancêtres. C'est ce péché qui a plongé toute l'humanité dans tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, les malédictions qui ont été prononcées, prononcées par qui? Nous allons vérifier au verset 15. Chapitre 3, verset 15, 16, 17. À partir du verset 13, oui. Il est écrit, « Alors Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ?»« Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Est-ce que toutes ces paroles ne se sont pas accomplies sur le premier couple? Est-ce que toutes ces paroles, toutes ces malédictions ne se sont pas accomplies sur nous autres, jusqu'à ce niveau, jusqu'à toi qui m'écoutes, jusqu'à moi qui est en train de parler? Si. Oui. Et voilà, les malédictions originelles. Le péché originel a engendré les malédictions originelles. C'est ce qui a poussé l'homme à commencer donc à commettre d'autres péchés, à l'instar du fils d'Adam qui aurait tué. Avant de tuer, il était égoïste envers Dieu. Il aurait choisi les fruits minables pour offrir à Dieu. C'était un péché, l'égoïsme, l'hypocrisie. C'est pourquoi Dieu reprend Caïn en disant « Le péché se couche à ta porte et toi domines sur lui. » Et toi, domine sur lui. Et il ne l'a pas fait. Effectivement, ce qui est arrivé est arrivé. Mais il n'est pas mort par rapport à ça. Il était déjà mort selon le livre de Paul aux Éphésiens. Mort. Vous étiez mort par vos péchés. Avant que la condamnation, avant que Caïn ne meure physiquement, il était déjà mort parce que la bénédiction de Dieu n'était plus sur lui. La bénédiction s'acquiert aujourd'hui par les efforts, par la mise en pratique de la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu alors? Ici, la Bible précise que Timothée aurait donc appris les saintes lettres depuis son enfance, qui pouvaient conduire Timothée sur le chemin du salut. Paul n'a pas dit jusqu'à ce verset que Timothée avait déjà le salut. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Il n'a pas dit qu'il avait le salut, mais il a dit, nous relisons le verset, 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Il a dit qu'ils peuvent l'amener vers le salut. Qu'ils peuvent amener le salut. Il connaissait déjà. C'est Jésus qui amène le salut vers les Hébreux. Effectivement, cette connaissance a amené Timothée vers Jésus-Christ. Mais comment? 2 Timothée 3, 15. Oui. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse. Ils peuvent te donner la sagesse. En vue du salut par la foi en Christ Jésus. En vue du salut par la foi en Christ Jésus. En vue du salut par la foi en Christ Jésus-Christ. Son père d'origine grecque et païenne, selon Actes chapitre 16, verset 1er, que nous allons lire également, parce que nous allons vérifier. C'est une étude biblique. Ne vit peut-être plus. Or, étant fils de mère juive et de père païen, Timothée bénéficie de l'accès aux deux cultures. Donc, les deux cultures, la culture juive et la culture grecque. Timothée aussi sort d'une famille. Il a hérité la malédiction adamique par rapport à son au peuple de sa mère, les Juifs, au peuple de son père aussi, les Grecs. Et les différents péchés des Juifs héréditaires, la vaine manière de vivre que les ancêtres de Timothée ont légué à cet homme. Et les propres péchés de Timothée devaient être ôtés, ils devaient être délivrés. Par qui? Par Jésus. C'est pourquoi Paul mettait un accent sur qui? Sur Jésus. Acte 16, premier verset. Oui. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et d'un père grec. Ce genre-là qui enseignait, qui étudiait déjà la parole auparavant, depuis sa naissance, Timothée, quand Timothée venait juste d'accepter Jésus, il était déjà grand. Mais Jésus aussi venait juste de ressusciter. L'église primitive venait de voir le jour. Mais est-ce que Timothée était déjà enfant de Dieu? Quand Paul parle de son enfance, donc depuis son enfance, selon les traducteurs, selon les dires de certaines personnes, est-ce que Timothée était déjà enfant de Dieu? Non, il n'était pas enfant de Dieu. Et on l'enseignait la parole, la Torah, la loi de Moïse. C'est après la résurrection de Jésus. Lorsque Paul reçoit le Seigneur lui-même, comme il le dit, Paul a reçu le Seigneur juste après la résurrection de Jésus. C'était pas ça. Ça ne faisait pas encore un an lorsque Jésus est ressuscité. Il a appelé Paul après la grande persécution de Jérusalem. Paul commence aussi à faire des voyages. Timothée, étant jeune, peut-être 25 ans, peut-être 22 ans, il y avait un jeune homme. Et la Bible précise que pour Paul, Timothée représente le disciple, l'ami, le compagnon d'œuvre et le fils spirituel chéri. Pourquoi il devient le fils spirituel chéri? Chose tout à fait naturelle. Puisqu'au moment de la rédaction de 1 Timothée, il y avait une quinzaine d'années que le jeune pasteur l'accompagnait partout. Sauf lorsque Paul l'a laissé derrière avec Silas à Bérée. Après que les persécutions ont forcé l'apôtre à partir pour Athènes. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes, chapitre 17, versets 13 et 15. Il est écrit: mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, il vint y soulever et troubler les foules. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, mais Silas et Timothée restaient là. Silas et Timothée, ça veut dire que ces garçons, les deux, Silas et Timothée, servaient Dieu au travers de leur père spirituel. De leur père spirituel. C'est un cas de force majeure que Timothée va rester parce que Paul était en train de partir. Il y a eu une grande persécution. Il est en train de partir. Il veut sauver sa vie. Où il l'a par contre retrouvé par la suite. Il va retrouver Timothée où? Au verset 15. Le même chapitre, chapitre 17. Verset 15. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Mais il s'en retournait après avoir reçu l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus tôt. De le rejoindre au plus tôt. Ça veut dire que c'est un enfant qui l'a conduit au Seigneur. Et cet enfant-là suit les instructions de son père. Il est formé par son père. Il est conduit par son père spirituel. La première manifestation d'un faux prophète, il n'a pas de père spirituel. Il n'a pas de conducteur. De nos jours, en ce qui concerne les églises de réveil, il n'a pas de père spirituel, il n'a pas de conducteur. Ça veut dire également que s'il avait auparavant, il les a changés comme il voulait. Alors, est-ce que Timothée a changé de père spirituel? Nous allons voir jusqu'à la fin. Alors, lorsque quelqu'un vous parle, vous posez la question à cette personne: tu as reçu le Seigneur où? Par qui? Parce que la Bible ne nous montre pas un autre père spirituel de Timothée. Non. Si on parle des saintes lettres à salut, c'était la religion. Comme quelqu'un qui était catholique, qui était protestant, là où on ne parle pas de la nouvelle naissance, qui était adventiste du septième jour, témoin de Jéhovah, qui étaient toutes ces religions chrétiennes ou païennes ou bien d'autres religions qui existent dans le monde. Et cette personne accepte donc Jésus par une prédication, l'annonce de la bonne nouvelle. Comme Timothée, qui depuis son enfance étudiait les saintes lettres et était dans la religion de son père et de sa mère. Et lorsqu'ils vont rencontrer Paul, Timothée reçoit le Seigneur ensemble avec sa famille. Et puis, au vu de cette manifestation spéciale de Jésus-Christ, par la grâce, ils sont sauvés, Paul se met à enseigner Timothée. Il remarque que ce jeune homme a un appel. Et il le suit partout. Il devient utile à son œuvre, à son ministère. Il a suivi Paul à Corinthe, Actes chapitre 18, verset 5. Il a suivi Paul à Corinthe. Timothée. Il est écrit: mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Voilà. Avant d'être envoyé par lui en Macédoine, qui envoie l'autre? C'est Paul qui envoie Timothée en Macédoine. Actes chapitre 19, verset 22. Là, nous progressons. Nous voyons la marche d'un père qui est en train de former son enfant. Nous voyons la marche d'un père qui est en train de... d'un enfant qui est en train de suivre la formation, qui est en train d'être conduit par un père. Mais de nos jours, voilà la manifestation des premiers faux prophètes. Le premier signe d'un faux prophète, il n'a pas de père spirituel. Acte 19, verset 22, il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et resta lui-même quelque temps encore en Asie. Ils deviennent des aides de leur père spirituel. Ils aident au ministère. Mais de nos jours, regardons un peu ce qui se passe sur le terrain, où les églises même de réveil sont devenues des religions. Des simples religions. Tu peux faire ce que tu veux, même dans la religion catholique. Je ne pense pas qu'un prêtre peut devenir prêtre en prenant seulement des livres catholiques, commence à prêcher. Il faut fonder une église quelque part. Le désordre que nous avons aujourd'hui dans l'église du réveil. Dieu n'étant pas un Dieu de désordre. Et chacun doit s'examiner si c'est réellement l'appel de Christ qui est sur ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a d'autres qui disent, oui, Dieu m'a dit de fonder une église. Non, Dieu n'a pas dit à Timothée de fonder une église. Attention, Dieu n'a même pas dit à Paul lui-même qui avait reçu un appel direct. Car Paul a été conduit, un appel direct qui veut dire Jésus est passé directement, il a touché Paul avant de l'envoyer vers les hommes pour qu'ils achèvent ce que lui, Jésus, a commencé. Quand vous revenez sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le Saint-Esprit dit à ceux qui étaient autour de Paul, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il n'a pas parlé directement à Paul lui-même. « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après avoir prié et jeûné, ils ont imposé les mains à ceux qui ont été désignés, Paul en tête. Mais de nos jours, on se fait imposer les mains par qui? Voilà ce qu'on appelle les faux prophètes sur le terrain. Voilà ce qu'on appelle les faux pasteurs sur le terrain, qui n'a ni père spirituel. Il a été imposé par les mains, il a reçu l'imposition des mains clandestinement. Je dis bien clandestinement. Rien à voir avec ce que la Bible, la parole de Dieu enseigne. Et il ajoute, avant d'être envoyé par lui en Macédoine, et de l'accompagner dans son voyage de retour à Jérusalem, Actes chapitre 20, verset 4, que nous lisons aussi. Il est écrit, Actes 20, verset 4, il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichite et Trophime, originaire de l'Asie. Ça, ce sont les fils spirituels que Paul a évangélisés. Tous ne sont pas avec lui. Il y a ceux qui persévèrent dans les églises qu'il avait créées. Mais voici les plus proches collaborateurs qui sont appelés à servir Dieu avec lui. Ils sont en train d'être formés. Un vrai serviteur de Dieu annonce d'abord l'évangile. Il ne commence pas par dire « Dieu m'a envoyé vous dire ». Dieu t'envoie dire à qui? Lorsque Dieu envoie Paul, il ne dit pas « Je t'envoie vers ceux que Pierre a convertis ». Voyons l'annonce de l'appel que Dieu fait en direction de Paul. Actes chapitre 26, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit à Paul? Nous allons voir s'il a dit à Paul, va corriger le travail de Pierre. Je vois que Pierre ne travaille pas bien. Va dénoncer tout ce qu'il est en train de faire. Il est écrit, Actes 26, 17, je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens. Du milieu du peuple juif. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Pour leur ouvrir les yeux. Pour quelle mission? Pour leur ouvrir les yeux. Parce que les Juifs n'étaient pas encore convertis. C'est pourquoi ils persécutaient Paul. C'est pourquoi Paul lui-même persécutait aussi les chrétiens nés de nouveau. Pour leur ouvrir les yeux. Afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres vers la lumière. Et du pouvoir de Satan vers Dieu. Du pouvoir de Satan vers Dieu. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Par la foi en moi. Alors, il se trouvait de même en compagnie de l'apôtre lorsque c'est Timothée. Lorsque celui-ci a rédigé Romains chapitre 16, verset 21. Nous voyons Timothée partout. Romains chapitre 16, verset 21. Nous allons aussi le vérifier dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset chapitre 1er, verset 1. Nous commençons. Romains 16, 21. Oui. Il est écrit, Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue. Timothée, mon compagnon, pendant qu'il écrit, il est là avec son père spirituel. Il voit ce que son père est en train de faire. Et c'est ce qu'il doit faire. Il ne va pas faire le contraire. Et nous avons de nos jours, quel type d'enfant spirituel que nous avons aujourd'hui. Que le Saint-Esprit parle. Parce que tout le monde aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé que on n'a jamais entendu Timothée dire que le Saint-Esprit a révélé des choses qui concernent Paul. Mais le Saint-Esprit révèle ce qui concerne Timothée. Le Saint-Esprit dit à Paul ce qu'il doit dire à Timothée. On n'a pas vu le Saint-Esprit dire à Timothée ce qu'il doit dire à Paul. Et nous lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 1er verset 1er. Il est écrit, Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Qui est à Corinthe. Et à tous les saints qui sont dans toute la Caïe. Et nous voyons aussi le même Timothée. Philippiens, chapitre 1er, verset 1er. Le gars, cet enfant, était toujours avec son père spirituel. Là, c'est l'église de Philippe. Il est écrit, Philippiens 1:1, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Et puis, après Philippe, on rencontre, on voit encore le nez de Paul dans une autre église de Colossiens, chapitre 1er, verset 1er. Colossiens, chapitre 1er, verset 1er. Et vous allez aussi le rencontrer dans l'église de 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, verset 1er. Toujours, Paul est en train d'écrire, de diriger ces églises et Timothée est avec lui. Quand vous lisez aussi Philémon, premier verset, vous allez aussi regarder, vous allez aussi lire, vous allez aussi rencontrer Paul avec Timothée. Et Timothée assiste. Paul l'envoyait d'ailleurs souvent comme médiateur dans les églises en crise. Parce que le gars a été formé par son père. Maintenant, le père est capable de l'envoyer. Il lui fait confiance. Dans les églises où il y avait des petits problèmes, les problèmes qui surgissent de part et d'autre, l'apôtre ne veut pas partir, il est pris par son travail, ou bien il est en prison. Et il envoie son serviteur fidèle, parce que Timothée est en train de le servir. Mais demandez à tous ceux qui sont des pasteurs aujourd'hui, qu'ils ont servi qui? Avant d'être pasteur. Il y a ceux qui prennent l'argent, ils donnent. Voici, moi, je veux que tu m'ordonnes pasteur, que tu me consacres pasteur. Est-ce que Timothée a fait cela? Nous sommes dans l'église primitive, juste après la montée de Jésus. Est-ce que Pierre a fait tout cela? Non. Nous allons voir, nous sommes ici dans le cas de Pierre, nous allons voir aussi dans le cas de Jean. Mais, quand nous revenons sur Paul, qu'il envoyait de temps en temps, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17 et aussi 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 verset 2 chapitre 3 verset 2. Ça c'est 1 Thessaloniciens. 1 Corinthiens 4 17. Oui. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé. Qui est mon enfant. C'est pas mon égal. C'est pas mon collaborateur. C'est pas mon, mais mon enfant bien-aimé. Et fidèle dans le Seigneur. C'est pas par mépris, mais c'est la confiance. Et en même temps, le gars l'avait conduit au Seigneur et le gars l'enseigne. Il le forme. Il devient son enfant. Il vous rappellera mes voies en Christ. De nos jours, dès que tu acceptes le Seigneur ici, comme tu as des problèmes de délivrance, des problèmes de mariage, d'une église à l'autre, d'une église à l'autre, d'une église à l'autre, tu ne sais même pas où tu as reçu le Seigneur, tu ne sais même pas où. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà la foi et des églises que nous avons, des églises tampons, des églises crando, des enfants touristes. Touristes qui ne connaissent même pas ce que c'est que naître de nouveau. Pose-lui la question. Il ne sait pas. Lui-même, le prédicateur, ne le sait pas. Il parle de ça en passant. Mais pose-lui la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que quelqu'un naisse de nouveau, bibliquement parlant? Nous continuons à lire. Il vous rappellera mes voies en Christ. Il vous rappellera mes voies en Christ. Telles que je les enseigne. Et comment un père parle. J'ai envoyé Timothée et il vous rappellera mes voies en Christ. Telles que je les enseigne partout. Est-ce qu'on trouve encore les Paul et les Timothée aujourd'hui? Dans toutes les églises. Le père et les enfants. Est-ce qu'on les trouve encore? Telles que... Je les enseigne partout dans toutes les églises. C'est-à-dire, Timothée avait déjà maîtrisé l'enseignement, toute la vision, tout le fondement de la parole de Dieu, puisqu'il restait avec son père quand il rédigeait toutes les lettres que nous avions citées tout à l'heure. Reprends encore la lecture sur le même verset. À cet effet... Je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé. Qui est mon enfant bien-aimé. Et fidèle dans le Seigneur. Et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ. Il vous rappellera mes voies en Christ. Telles que je les enseigne partout. Peut-on encore avoir une telle confiance dans toutes les églises. Telles que je les enseigne dans toutes les églises. Oui. C'est tout. Telles que je vous enseigne, j'enseigne ces voies dans toutes les églises. Il va vous transmettre tout cela. Mais de nos jours, dès que tu envoies un pasteur qui travaille avec toi, il divise déjà l'église, il commence à mal parler de toi aux brebis, il prépare déjà son départ dans les calomnies, et puis c'est comme ça qu'il va partir de l'église, avec une fraction de l'église qui va suivre ce soi-disant homme de Dieu, et qui ira s'installer quelque part dans un quartier, en te calomniant, en insultant, il va t'appeler, il va te donner tous les mots pour réussir à te séparer de lui-même d'abord, parce qu'il vit déjà dans une convoitise, il veut être appelé père, il veut être appelé papa, il veut être appelé ceci, il veut avoir de l'argent, il veut avoir ceci, des honneurs et autres. Il va s'établir quelque part. Il dit, je suis déjà pasteur. Dieu m'a dit de faire une église. J'attendais seulement. Dieu m'a parlé. J'ai rêvé. Je suis allé voir tel serviteur de Dieu. Il a confirmé mon appel. Est-ce que Timothée a fait cela? Non. Ce qu'on appelle l'église primitive, est-ce que nous devons aujourd'hui changer? Nous devons aujourd'hui changer les choses. Comme les autres le font, j'ai dit, est-ce que de nos jours, nous devons donc changer? Nous devons donc changer la parole de Dieu? J'ai appris que le pape est en train d'écrire une nouvelle Bible. Parce que l'ancienne Bible, selon lui, est déjà démodée. Donc il est en train d'écrire les églises de réveil. Dans un consensus, dans une association aussi, vont nous présenter une nouvelle Bible, sous peu de temps. Parce que ça va de mal en pire. Nous voyons aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Là où Paul envoie Timothée. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Nous lisons. Nous allons lire aussi Philippiens chapitre 2, verset 19, après 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Il est écrit: et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ. Ouvrier avec Dieu pour l'évangile de Christ. Afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Afin de vous affermir, nous avons envoyé qui? Timothée, notre frère. Là, il appelle frère. Parce que avant tout, tu es mon frère en Christ. Même si j'étais conduit au Seigneur, nous avons un même Père, un même Sauveur. Qui fera quoi? Afin de vous affermir et de vous exhorter. Afin de vous affermir et de vous exhorter. Est-ce que Timothée viendra donc dire des choses que d'autres qu'il a lues quelque part, ou bien des choses qu'il a apprises quelque part dans l'Ancien Testament? Non, il va dire exactement ce qu'il a appris de son père, comme il le disait dans un autre passage. Là, nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 19. On peut lire également, si maman a trouvé. Philippiens, chapitre 2, verset 19, c'est toujours dans des cas difficiles, que le gars avait l'habitude. Il est écrit, Philippiens 2, 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour me soulager, pour se soucier sincèrement de votre situation. » De votre situation. Je vous envoie Timothée. Ça veut dire que le gars, le type, était toujours avec son fils partout où il allait. De nos jours, peut-on encore rencontrer une telle fidélité? Et quand on sait que Paul, c'est quelqu'un qui avait un caractère dur. Précisons que quand il dit légitime, le mot légitime, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, le mot légitime décrit l'enfant qui est né dans les liens du mariage par opposition à ce qui signifie bâtard ou illégitime. Ainsi, Timothée, dans la foi, dont la foi est authentique, il est né par les entrailles spirituelles de Paul. Et Timothée constitue un enfant de Paul, tandis que Démas en est. Démas et les autres, quand Paul les cite, enfants légitimes, ça évoque le fait que Paul a donné naissance spirituellement à Timothée. Vu que l'expression grecque rendue ici par « en la foi » manque d'articles, des articles définis. C'est pourquoi il continue en disant « mon enfant légitime en la foi ». Dans ce sens, Paul indiquerait que Timothée est son fils dans la sphère de la foi. De la foi. C'est son fils. Il va de soi que nul ne peut devenir enfant légitime en la foi sans expérimenter le salut divin, dont Timothée avait reçu le salut divin. Ça venait de qui ce salut? Ça venait effectivement de la bouche de Paul, qui était devenu son père spirituel. Donc il pouvait se réjouir, il pouvait être dans la joie, dans la paix, d'appeler Timothée mon fils légitime dans la foi. Alors ceux qui vous appellent fils, mes enfants spirituels. Je vois sur Facebook, vous êtes mes enfants spirituels. J'ai des enfants spirituels en Suisse, j'ai des enfants spirituels aux États-Unis. C'est pas parce que quelqu'un te suit sur Facebook, quelqu'un te suit sur, comment on appelle, YouTube, qu'il devient ton enfant spirituel. C'est faux. Et vous allez réussir à déraciner ces enfants spirituels dans leurs assemblées. Quand Paul écrit, il n'écrit pas aux enfants spirituels de Pierre. Il écrit à ses enfants spirituels qu'il a évangélisés. Dont la première marque d'un homme de Dieu fidèle, un vrai appelé du Seigneur, c'est d'annoncer et de faire de toutes les nations des disciples, de faire de quelqu'un disciple de Christ. Tu n'as pas fait disciple, mais tu commences à appeler ces gens-là mes enfants. Ils sont tes enfants par rapport à quoi? C'est pas parce que tu prêches. Arrête ça. C'est pas parce que tu prêches à la télé, c'est pas parce que tu prêches sur les réseaux, c'est pas parce que tu ou bien tu fais des grands séminaires, les gens viennent, ils sont déjà automatiquement tes enfants. Jusqu'à les détourner, il y a d'autres qui viennent, envoyez-moi ceci, envoyez-moi, vous êtes déjà mes enfants. Et dans cette ignorance, ils restent attachés à toi pour aller où? En enfer. Là, des images que vous voyez, je suis à Paris, c'est bien écrit, docteur Chalet Somba, en direct de Paris. Je suis à Paris et je prends l'évangile et mes enfants spirituels depuis le Cameroun m'écoutent parfaitement. Je m'adresse à eux. Je suis à Paris où j'ai d'abord annoncé l'évangile sur les médias. J'ai prêché la bonne nouvelle du salut sur les médias et les gens ont été touchés. Ils sont venus. Ils ont été touchés. Ils sont venus, je leur ai expliqué ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En disant tout simplement, la nouvelle naissance commence sur la démolition du péché originel. Si tu n'as jamais su à quel moment le péché originel est parti de ton corps, tu n'es pas encore né de nouveau. Mais ça veut dire que moi je te conduis au Seigneur en t'expliquant que voici la nouvelle naissance qui commence ici parce que tu as identifié, tu as identifié la présence du péché originel dans ta vie. Par la prédication que je viens de donner, tu as identifié aussi les malédictions originelles. Tu as entendu parler des malédictions originelles, mais tu ne connaissais pas l'impact de ces malédictions dans ta vie, ni l'impact du péché originel, que c'est le péché qui a fait de toi fils de Satan. Que tu étais mort spirituellement. Mais en écoutant cet évangile, alors tu acceptes Jésus que je prêche, le sang de Jésus te délivre du péché originel. Lorsque tu vas confesser la foi, parce que je dois te conduire à la confession de la foi, tu deviens donc enfant spirituel du docteur Esomba. Claire. Je peux donc t'enseigner à distance. Je dis bien à distance, même si tu es aux États-Unis et que tu as écouté cet évangile, je t'enseigne à distance, j'ai le plein droit spirituellement de t'enseigner l'évangile à distance avec les vidéos que j'envoie. Tu dois persévérer parce que comme Paul écrivait, si Paul avait le net auparavant, il allait aussi faire exactement. Mais pourquoi il écrivait? C'est parce qu'il n'y avait pas de net, il envoyait des lettres. Mais aujourd'hui, on a le net. Au lieu d'annoncer l'évangile, les pasteurs viennent donc, entre guillemets pasteurs, des hommes de Dieu, entre guillemets hommes de Dieu, ils viennent donc sur le net s'adresser aux gens qu'ils ne connaissent pas, s'ils sont réellement nés de nouveau ou pas. Lui-même n'est pas passé par la... C'est pas parce que tu parles de la loi comme Moïse, Timothée avait reçu cette loi, cette parole, depuis son enfance. Et c'est Paul qui l'amène à être réellement né de nouveau. Donc, ici, Paul a donc le plein droit d'appeler Timothée son enfant. De lui faire confiance. De l'établir dans le ministère. Parce que la vie de Timothée se caractérise par l'obéissance. C'est là Paul a pu le constater lorsqu'il est retourné à Lystre dans le cadre de son deuxième voyage missionnaire. Car les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Actes chapitre 16, verset 2. Rendait de lui un bon témoignage. Si bien que l'apôtre attestera à son tour le loyal dévouement de Timothée. Nous lisons Actes chapitre 16, verset 2. Actes 16, verset 2, il est écrit: les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Rendaient de lui un bon témoignage. Je peux commencer à partir du premier verset. Oui. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Peut-on appeler quelqu'un frère s'il n'est pas né de nouveau? Ces églises-là, c'est Paul qui les avait créées. Donc Timothée est né de nouveau là dans ces églises. Et c'est le témoignage que les frères rendaient de lui. Mais il y a des gens aussi qui veulent être pasteurs dans les églises. J'ai vu ce combat partout où je suis arrivé. Entre eux, autour de moi, ils commencent à faire des choses. C'est moi que papa doit laisser. C'est moi que papa doit faire ceci. C'est moi que papa doit nommer quand il va partir. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça au Bénin. J'ai vu ça partout où je suis passé. Ce n'est pas toi qui s'impose. Il faudrait que les frères autour, dans l'assemblée, puissent rendre ce témoignage que ce frère est vraiment fidèle. Que ce frère, et l'apôtre lui-même remarque cela. Il a le Saint-Esprit. Il voit ton dévouement. Il voit ton engagement, ta loyauté, ta fidélité. Tu n'es pas comme Géasi. Mais de nos jours, les gens veulent devenir serviteurs de Dieu, passer autour d'un homme de Dieu, parce que ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent avoir le succès. Ils veulent se faire voir. C'est pourquoi les églises sont créées de part et d'autre, à cause du besoin. C'est pourquoi il y a autant d'orgueil. Il y a donc aujourd'hui des faux et des faux et des faux et des faux, mais qui prêchent, soi-disant, venez recevoir les miracles, les guérisons et autres. Et ils sont suivis. Mais si tu suis quelqu'un qui est dans la fausseté, toi-même tu es quoi? Quelqu'un qui est en enfer. Est-ce que toi tu iras au ciel un jour? Parce que le problème des êtres humains, c'est régler les problèmes terrestres. Je dois régler mon problème, je dois régler mon problème, je n'aide pas de mari, il doit profiter sur moi, il doit prier pour moi, je dois le suivre. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Si bien que l'apôtre attesta à son tour le loyal dévouement de Timothée en exposant ces choses, qu'est-ce qu'il dit? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il a suivi cette doctrine. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Que tu as exactement suivi. Il a suivi cette doctrine de qui? 1 Timothée 4, 6. En exhortant cela, en exposant cela aux frères. En exposant cela aux frères. Tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Tu seras un bon serviteur du Christ. Nourri des paroles de la foi. Nourri des paroles de la foi. Et de la bonne doctrine. De la bonne doctrine. Que tu as exactement suivi. Que tu as exactement suivi. Or, tous à Éphèse n'ont pas adopté ce modèle d'obéissance constante. Comme le confirmera Paul en écrivant que certains qui ont rejeté la foi et une bonne conscience ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. Ça veut dire que dans les églises de Paul, il y avait des gens qui ont fait naufrage à la foi, qui quittaient l'église, qui prétendaient être des docteurs et qui enseignaient des choses pernicieuses pour entraîner des disciples derrière eux. Nous lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 19. Il est écrit: en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ayant aussi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Mais ils continuent à prêcher. Ils continuent à créer des églises. Mais c'est ce genre-là que vous voyez également aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de présenter des images qui brillent. Ils mettent des fonds de teint, des ceci, de cela, des costumes, et ainsi de suite. Et ils sont suivis. Voilà la grande route. La grande route n'est pas seulement des gens qui vont en enfer parce qu'ils sont dans la religion. La grande route est aussi dans l'église de réveil aujourd'hui. Où on ne peut pas, on ne veut pas. Si quelqu'un prêche bien, il parle bien. Celui-là est tellement suivi. Mais on ne veut pas savoir comment il a commencé. Comment tu as commencé? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Dans le chapitre 5, Paul recommandera aux jeunes veuves de se remarier, car, dira-t-il, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Au chapitre 5, 1 Timothée toujours, chapitre 5, verset 15. Se sont détournées pour suivre Satan. Cet évangile est rare aujourd'hui. Très rare. Elles sont donc de ces gens qui sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Et Jean, que je viens de citer, chapitre 2, verset 19. Maman peut chercher ce chapitre aussi. Nous allons voir la conduite et aussi l'enseignement que Jean est en train de donner. C'est 1 Jean. Je dis bien 1 Jean, chapitre 2, verset 19. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Il est écrit, ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres. S'ils avaient été des nôtres. Ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte. De la sorte. Il est manifeste. Que tous ne sont pas des nôtres. Ne sont pas des nôtres. Donc tu es sorti. Quand tu sors de l'église, là où tu as reçu le Seigneur, tu sors de la couverture spirituelle. Et surtout dans un désordre. Dans une rébellion. Nous voyons Jean qui continue. 3 Jean maintenant. Troisième épître de Jean. Nous commençons au verset 3. Jusqu'au... C'est le verset 6. Il est écrit... 1 Jean, verset 6. 3 Jean, verset 6. Ils ont rendu témoignage de ton amour. Verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Oui. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Mais d'entendre dire de mes enfants, ces enfants spirituels. Je me demande aujourd'hui, tout le monde prêche sur le net, tout le monde enseigne. Tout le monde raconte des bêtises. Tout le monde fabrique sa doctrine. Mais je ne vois pas beaucoup de gens prêcher l'évangile de la nouvelle naissance pour amener ceux qui regardent ces vidéos sur le net pour dire, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle du salut. Tout le monde sur le net, vidéo, YouTube, que ce soit Internet, dans les églises. Quand il veut fonder une église, il faut qu'il parte avec des membres. Il ne quitte pas seul. Pour aller s'établir seul en disant, même si tu pars seul, mais si tu n'es pas envoyé, si tu n'es pas reconnu par ton père, envoyé par ton père, et que tu vas tout à fait seul, cela ne fait pas de toi un homme de Dieu. Cela ne fait pas de toi un appelé de Dieu. Lorsque Paul même, qui avait reçu l'appel direct, il est resté travaillant d'abord dans une église. Et c'est le Saint-Esprit qui dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Paul a d'abord montré l'esprit de loyauté, l'onction de loyauté, l'obéissance, la fidélité. En travaillant avec, il est resté là, dans cette assemblée. Paul, toi tu es qui? Ce sont des doctrines fabriquées. Voilà comment les faux prophètes se manifestent. Ça c'est la première partie que je suis en train de... Parce qu'il y aura beaucoup de vidéos. Et toi-même tu écoutes chaque vidéo pour savoir que moi, qui ai créé une église, je suis sur un faux chemin. Je ne verrai pas Dieu un jour. C'est pourquoi Jésus-Christ dit... Vous avez fait les miracles sous mon nom, et je vous dirai un jour que je ne vous ai jamais connu. Vous avez prié pour les malades, vous avez guéri, vous avez prêché, mais je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. Là, ce sont les faux prophètes. Il ne s'agit pas seulement du péché qu'il il prêchait, il commettait des péchés. Mais d'abord ton appel. Je vous dis ce que moi j'ai vécu. C'est mon témoignage entre mon père spirituel et moi. Je me suis rebellé. Et ma consécration sera faite cette année-ci. Ça devait être fait si j'étais resté au Cameroun. Ma réconciliation avec mon père spirituel, dont l'héritier de mon père spirituel, l'apôtre Bakker, et son héritier qui est papa Yedna, c'est lui aujourd'hui qui est comme ça avec moi, comme l'ongle et le doigt. C'est lui aujourd'hui qui me gronde, qui me parle, qui me dit ce que je dois faire. Je me rappelle un jour, il y a de cela 2 ans seulement, en 2016 là, il m'a grondé devant cette grande assemblée que vous voyez, avec tous ces enfants là, étaient assis, lors d'une étude, il a commencé à me gronder. À me gronder, en parlant dur. Et comme je n'avais jamais été humilié comme ça, il y a la colère qui arrive. Le Saint-Esprit me dit, toi, quelle colère avec ton père spirituel. Parce que dès le départ, je n'avais jamais subi cela, ni ces enseignements, ni cette formation. Voici le grand dérapage de l'Église, où il y a aujourd'hui des milliers de faux prophètes. Il n'est pas faux prophète parce qu'il enseigne de fausses doctrines, mais la première fausse doctrine est qu'il est parti d'une assemblée dans une rébellion. Ou bien n'a jamais été enseigné, ni formé, ni consacré par son père spirituel. Il s'est levé seulement en disant c'est Dieu qui m'appelle. Quel Dieu? Est-ce que Dieu peut faire le contraire de ce que nous disons ici aujourd'hui? J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Il écrit à une assemblée, à un responsable de cette assemblée qu'il avait créée. Il a laissé un responsable là, Jean, a le même Saint-Esprit que Paul. Ils agissent de la même manière. C'est le même esprit qui travaille. Et l'esprit qui travaille sur vous. Vous êtes tellement indépendant aujourd'hui dans les églises de réveil. C'est pourquoi il y a des multitudes d'assemblées. Celui-ci enseigne qu'il faut être rempli. Il faut savoir que tu es rempli du Saint-Esprit, il faut parler en langue. L'autre vient dire, c'est pas le parler en langue. L'autre vient dire, il faut poser les mains sur la tête. L'autre dit, il faut prier avec le foulard. L'autre dit, c'est pas le foulard. L'autre dit, le démon n'existe pas. Le délivrant n'existe pas. Le cul d'âme n'existe pas. C'est un désordre, un chaos total. Parce que dans l'église de réveil, il n'y a plus de direction. Surtout chez les francophones. Il n'y a plus de direction. Les bambins qui viennent d'accepter le Seigneur, qui sont devenus et des généraux et des colonels et des ceci et des cela, cela, ils se mettent à la tête. C'est moi qui est le plus grand. C'est moi qui est ceci. C'est moi qui est cela. C'est moi qui est ceci. C'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a d'autres qui se mettent dans un clan. Nous sommes des grands. Nous avons des grands dans l'assemblée. C'est nous. On est ensemble. Les autres là ne sont pas des grands. Mais est-ce que c'est ça le corps de Christ? Christ est-il divisé? Vous irez au ciel et quand vous verrez le petit pasteur là que toi tu méprisais sur la terre assis à côté de toi, tu vas dire à Jésus que celui là n'était pas grand sur la terre, il n'était pas un grand prophète, il n'était pas un grand menteur. C'est ce que tu vas dire à Jésus si vous allez réussir à entrer au ciel. Je ne crois pas. Frère, l'enlèvement arrive. Changeons de comportement. Changeons de mentalité. Retournons à la base, dans la vraie parole. S'il y a eu des dérapages, répentons-nous sincèrement. Je crois que tout ce que nous faisons ici sur terre, c'est pour aller au ciel. Là, nous allons vivre éternellement. Vous aurez des éloges, vous aurez tout ceci, la gloire, l'argent, des voitures, tout ce que vous voulez. Mais je ne pense pas que tout ça va entrer au ciel avec vous. J'ai vu des pasteurs mourir en train de prêcher l'évangile. Il est sur le pupitre, il tombe, il s'en va. Il tombe, il s'en va. Ici en France, ça s'est produit. Au Niger, ça s'est produit. Au Cameroun, ça s'est produit. Partout dans le monde, ça se produit comme ça. Tu connais le jour que tu vas partir. Tu vas laisser le panier des offrandes, des dîmes et autres. Là. Et Dieu va te rappeler. Tu vas laisser des maisons, des voitures. Dieu va t'appeler. Tu vas laisser la gloire. Au lieu de préparer le départ. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais. Pour les frères. Et même pour les frères. Jean est fort réjoui lorsque des frères, probablement des prédicateurs itinérants, envers qui Gaius exerce l'hospitalité. Gaius, son enfant spirituel. sont arrivés. Ses frères sont arrivés et lui ont rendu témoignage de la vérité qui agit manifestement dans la vie de Gaius. L'image que rend le verbe marche, il marche, mes enfants marchent, marchent, et qu'on emploie à maintes reprises dans le Nouveau Testament, désigne une conduite quotidienne. C'est pas que tu marches bien aujourd'hui, demain, tu deviens, les cornes commencent à pousser sur la tête. J'espère que ceux du Cameroun me suivent, que j'ai laissé au ministère Temple des Nations. Tu ne travailles pas parce que il faut que j'encaisse de l'argent pour nourrir mes enfants, pour nourrir ma femme, pour nourrir ceci, pour nourrir... Non, tu ne viens pas autour. Timothée n'était pas comme ça à côté de l'homme qu'on appelle Paul. Pas du tout. Ils marchaient dans cette conduite quotidienne, ils étaient dans la fidélité, l'hospitalité. L'hospitalité d'abord est une manifestation d'amour qui s'avère d'autant plus remarquable lorsqu'elle est mise en contraste avec la terrible disgrâce de Diophrès, qui est Diotrèphe. Diotrèphe, au verset 10, Jean recommande toutefois par Gaius pour son amour, mais plus fondamentalement, lorsqu'il parle de Diotrèphe au verset 10, allons lire le même chapitre, verset 10, vraiment, il parle de Diotrèphe qui était dans la même assemblée, mais qui faisait des bêtises. Comment voulez-vous qu'un père parle bien de toi si tu fais des bêtises? Il va mentionner son nom. Paul aussi a fait la même chose. Nous lisons. Actes. Non, je suis toujours dans le livre de 3 Jean. Nous sommes au verset 10 maintenant. Okay. Nous étions toujours à 3 Jean, mais c'est le verset 10. Nous nous sommes arrêtés au verset 6, mais nous continuons au verset 10. Il est écrit, C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet. Non, lis d'abord verset 9, je pense. Verset 9, oui. Il est écrit, J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrèphe, qui aime être le premier parmi eux. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Je veux être le premier. Je veux être le plus grand. Dans l'église, c'est la même chose. Dans le corps de Christ, c'est la même chose. Ce sont les démons qui animent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et Jean écrit en disant, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Ne nous reçoit pas. Oui. C'est pourquoi. Si je viens. Je rappellerai les actes qu'il commet. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu ne doivent pas rester tranquilles. Lorsque dans le corps de Christ, les actes sont commis, on dit oui, il faut le laisser. Mais moi, je reviens sur les histoires, par exemple, comme celui qui s'appelle Jésus-Christ, qui raconte des bêtises sur les serviteurs. Les gens l'ont laissé tranquille faire ce qu'il veut. Insulter, en disant non, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre par rapport à quoi? Vous êtes plus spirituel que Jean, que Paul, que Pierre, qui ont repris ce genre de personnes. Quelqu'un qui n'annonce pas l'évangile, ça veut dire que c'est un faux prophète. Quelqu'un qui n'annonce pas la bonne nouvelle, qui ne fait pas les disciples, il s'adresse, cher frère en Christ tous les jours. Il appelle cher frère en Christ les gens par internet, qu'il ne connaît même pas, qu'il n'a pas évangélisé, demandant à ce genre de ne pas entrer dans les églises. Tout ce qu'il peut dire, c'est n'entrez pas dans les églises, fermez les églises, c'est Jésus qui parle par moi, Jésus parle par lui en tant que qui. Ce sont des fausses doctrines. Et les pasteurs ferment la bouche parce que vous avez peur. Que si je parle, il va me prendre en charge, il va commencer à m'insulter. S'il t'insulte, tu es qui? On n'a pas insulté Jésus. Qu'est-ce que Jean dit? Oui, si je viens, toujours un Jean. Si je viens, je rappellerai les actes qu'il a. Là, c'est l'assemblée locale. Dans l'assemblée, il dit, si je reviens, c'est dans l'assemblée où il exerce son ministère. Il est parti, il a laissé quelqu'un. C'est lui qui demande à vos enfants là, de les parler dans les... Est-ce que c'est lui qui les a évangélisés? Ceci, c'est Jean qui les a évangélisés. Et il s'adresse à cette assemblée. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il a commis. C'est l'assemblée où il a travaillé. Jean a versé la sueur. Il a créé cette assemblée. Il a installé quelqu'un. Les actes qu'il commet. En répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela. Lui-même ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche. Et les chasse de l'église. Bien. C'est pas le même démon qui anime celui qui s'appelle c'est Jésus-Christ. Moi, j'appelle Satan TV. Ce sont les mêmes démons. Et tu vois les prédications qui marchent aujourd'hui par le canal des faux prophètes. Ils s'élèvent seulement et commencent à insulter les pasteurs. Commencent à insulter les hommes de Dieu. Aucun conseil. Aucun enseignement. Aucune prédication. Seulement des hommes de Dieu. Et c'est ça qui marche. Et les vidéos qui sont plus partagées par soi-disant enfants de Dieu, ce sont des vidéos où on insulte les pasteurs, on appelle les pasteurs des voleurs, des escrocs. Ce sont ces vidéos-là qui marchent. Et une vidéo que l'on a prêché l'évangile n'a jamais été partagée. On ne partage pas ça. Pourquoi tu ne vas pas donc partager cette vidéo qui t'enseigne? Parce qu'il y a un démon qui t'empêche de le faire. Parce que la Bible dit que la foi vient si on entend. Le démon craint. Il a peur que si l'on partage cette vidéo, alors là, les gens vont se convertir. Les gens vont connaître la vérité. Ils vont connaître la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Jean donne... Il dit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Il ne fait aucun doute que Gaius procure aux prédicateurs de l'évangile l'hébergement, le couvert et peut-être de l'argent afin de pourvoir à leurs besoins. Ce n'est pas des prédicateurs qui viennent aujourd'hui te disent que moi je vais prêcher l'évangile, je vais faire des appels de fonds et puis on va se partager. Il n'a pas annoncé l'évangile. Mais tu n'as pas annoncé l'évangile, tu viens prêcher l'évangile sur les brebis que moi j'ai amené au Seigneur. Et puis tu dis, je veux faire l'appel de fonds, on va se partager. Voilà ce qu'on appelle l'escroquerie. Ce sont donc de faux docteurs. Serviteurs de Dieu, n'acceptez jamais de tels prédicateurs qui arrivent dans vos assemblées. Moi, j'ai reçu plusieurs. Il y a d'autres qui voyagent sans assemblée là où il vit, sans assemblée. Quand il est déjà dans les besoins, il faut payer son loyer. Il veut payer les habits à sa femme, il prend le bâton, le périnaire pour aller prêcher dans les assemblées, collecter un peu d'argent. Voilà des faux prophètes. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Voilà des faux prophètes. Voilà des faux prophètes. Lorsque celui-ci arrive, il ne tient pas compte que dans cette assemblée, il y a aussi des besoins. Il commence à faire la comptabilité. Ah oui, j'ai fait un appel de fonds. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait, j'ai fait un appel de fonds chez Jalissomba qui a donné 120 millions. 120 millions? Quelle entreprise pétrolière? Et voici ce qu'on m'a donné. Il va raconter ça. Dites-moi un peu, est-ce que c'est Christ qui a encore servi? Quand tu arrives dans une église, tu dois comprendre que je dois amener des nouvelles fidèles, de nouvelles brebis, pardon, qui doivent persévérer ici. Partout où j'arrive, si on m'invite, je dois savoir si j'ai trouvé l'assemblée vide. Avant de quitter cette église, je dois laisser l'assemblée remplie de nouvelles personnes converties. Ça, c'est mon objectif, moi. C'est pourquoi quand j'arrive dans une ville, tu m'invites, je prends mon argent, je vais à la télévision. Je vais dans les radios, je paye. Je commence à prêcher. Je dis, venez. Et quand je finis de prêcher, je vous laisse là. Je dis, c'est votre père spirituel. Et moi, je m'en vais. J'ai mes enfants ailleurs. Quand je prêche comme je suis en train de prêcher, tu reçois le Seigneur. Et je sais que là où tu es, dans une ville comme Bruxelles, j'étais conduit au Seigneur. Si je connais un pasteur, je peux t'envoyer. Si je ne connais pas, je commence à t'enseigner. Tu suis des vidéos que j'envoie. Tu commences à les suivre parce que c'est moi qui t'ai envoyé, qui t'a amené au Seigneur. Et c'est normal. Tu deviens ma fille ou bien mon fils spirituel. Et les normes lorsque ils sont partis, c'est pour le nom de Jésus-Christ. Les faux prophètes ne voyagent plus pour le nom de Jésus-Christ, ils voyagent pour leur ventre. Ils font des séminaires pour récolter des fonds. Ce n'est pas pour que les âmes se convertissent. Un vrai serviteur de Dieu se soucie des âmes qui vont en enfer tous les jours. Il sait que ces âmes-là vont en enfer. Je dois faire tout et tout pour que les âmes soient sauvées. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Un vrai serviteur de Dieu, quand il arrive dans une assemblée, même si cette assemblée a des problèmes, il ne met pas le carburant dans le feu pour qu'il y ait des gros brasiers afin de faire exploser cette assemblée. Il fait tout et tout pour rétablir l'homme que Dieu, l'ange que Dieu avait établi là, qui avait déjà des problèmes dans son assemblée. Il fait tout et tout pour régler, pour rétablir ce monsieur, pour rétablir ses pères. Il parle aux brebis, il dit, il ne dit pas moi, moi je suis ceci, je fais des miracles, suivez-moi. Voilà des faux prophètes. Quand il arrive, il veut se faire voir. Mais il oublie que quand il est chez toi, il travaille sous ton onction. Tout ce qu'il fait là, c'est sous ton onction. Pour le nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire partir pour le nom de Jésus? Le nom de Dieu représente tout ce qu'il est. Leurs œuvres, l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même, pour sa propre gloire et non pour la gloire de celui qui prêche. Donc le faux prophète dit, j'ai fait des miracles. C'est moi qui fais. Je suis fort, je suis puissant. C'est ce que Paul écrit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Colossiens chapitre 3 verset 17. Le but qui sous-entend les efforts d'évangélisation de l'Église. Le faux prophète ne pense pas à ça, que l'Église doit évangéliser pour remplir l'Église et vider le monde des ténèbres. Selon Matthieu chapitre 6 verset 9, Luc chapitre 24 verset 47, Luc chapitre 24 verset 47, Actes chapitre 5 verset 41, l'évangélisation. Et c'est très important. En offense, on offense Dieu, nous offensons Dieu lorsqu'on ne croit pas au nom de son Fils, lorsqu'on n'annonce pas la bonne nouvelle du salut. Le nom de Jésus est digne d'être aimé, loué, honoré, confessé comme Seigneur dans le monde entier. Et comment ils croiront s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Aujourd'hui, la plupart des faux prophètes regardent des vidéos. Si tu as une grande assemblée, il y a même des gens qui ont gêné prier pour que j'accepte qu'ils viennent prêcher au ministère. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quoi? L'argent. Ils viennent prêcher chez moi. Il va gêner et prier. Vous trouvez ça normal? Pourquoi Dieu vous laisse dans les problèmes? Pourquoi Dieu ne résout pas vos problèmes? Parce que le problème de Dieu est que l'âme soit sauvée. La Bible précise qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Que les 99 justes qui n'ont pas besoin de se répentir. Les 99 justes, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont assis dans l'assemblée là, que vous voyez. Et si vous ne faites pas entrer de nouvelles personnes nouvellement converties, Dieu n'est plus avec vous. Dieu n'est plus content de cette assemblée. Il n'est plus content de cette assemblée. Et il ne peut jamais être content si vous n'annoncez pas l'évangile. Lorsque les croyants proclament la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, des gens viennent au salut et par conséquent, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre, selon Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Deuxièmement, les prédicateurs de la vérité doivent s'attendre à ne rien recevoir des païens. Aujourd'hui, j'ai entendu des prédicateurs qui disent, tel ministre-là est mon ami, tel grand homme d'affaires. Quand tu vois la vie de ce grand homme d'affaires, d'autres prêchent pour recevoir l'argent des païens. pour recevoir seulement l'argent de ces païens et païennes. C'est des grandes femmes d'affaires, mais elles sont païennes. Mais c'est l'ami d'un prédicateur. C'est telle autorité qui est païenne, mais c'est l'ami d'un prédicateur. C'est l'ami d'un enfant de Dieu. Ici, Jean dit, ils sont partis, ils n'ont rien recevoir des païens. Il va sans dire que les non-croyants ne subviendront pas aux besoins de ceux qui prêchent l'évangile véritable. Un non-païen, un non-croyant ne peut pas accepter de donner son argent. À moins que tu fabriques des prophéties, parce qu'ils aiment la divination. C'est ce que moi j'ai entendu d'un pasteur camerounais qui me dit, je suis allé en Angola, j'ai fabriqué une prophétie, j'ai bombardé cette prophétie, et cet homme d'affaires m'a donné 10 000 dollars. Tu sers qui? Tu sers Dieu ou tu sers le diable? Il te donne 10 000 dollars au ciel. Est-ce qu'il y aura des dollars? Est-ce qu'il y aura des zéros au ciel? Est-ce qu'il y aura l'argent au ciel? Est-ce qu'il y aura tout ce que tu es en train de récolter sur la terre là, dans le faux? Tu laisses une âme aller en enfer. Tu laisses, je dis bien, tu laisses une âme aller en enfer. Tu ne fais que fabriquer, vous ne faites que fabriquer des prophéties mensongères qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les prophéties existent. Dieu parle. Mais lorsqu'elles sont fabriquées, est-ce que c'est encore Dieu? Si les chrétiens ne s'en chargent pas, personne ne le fera. Et pourquoi ça se passe aujourd'hui? Parce que les chrétiens ne financent plus l'œuvre de Dieu. Voilà les faux prophètes également. Le faux prophète n'a renoncé pas à l'évangile. Le faux prophète n'est pas seulement le pasteur qui parle. Il y a aussi des faux prophètes brebis. Parce que tu n'annonces pas la bonne nouvelle du salut. Tu es aussi faux, un faux enfant de Dieu, qui n'annonce pas la bonne nouvelle, qui ne donne pas son argent. Jean dit quoi? Jean dit ici, de pourvoir aux besoins. Puisqu'on ne pourvoit plus aux besoins des hommes de Dieu, alors ils se permettent aujourd'hui de fabriquer des choses. Il dit pourvoir aux besoins. Bien entendu, même s'il est juste qu'ils soient rémunérés pour leur travail, les véritables ambassadeurs de l'évangile n'exercent jamais le ministère pour des raisons pécuniaires. En fait, c'est précisément la question de l'argent qui sépare les vrais faux prédicateurs. Et c'est pour cela, à cause de l'argent, des richesses, que les églises sont fondées aujourd'hui. Chacun s'élève. Dieu m'a dit de faire une église. Pourquoi tu ne continues, tu ne prêches pas là où tu es? Pourquoi tu ne témoignes pas sur les rues? Tu te tiens au carrefour, là, dans un marché, tu commences à prêcher. Tu dis aux gens d'aller dans les églises. Moi, je me rappelle, moi qui vous parle, je payais une radio au Cameroun. Je n'avais pas une seule cellule au Cameroun. La radio, c'est en tout. Je payais 1 million de francs par mois. Ça veut dire 1500 euros par mois. Je n'avais pas de cellule. Je disais aux gens d'aller dans les assemblées. Aucune cellule à l'époque, en 2004. Aucune cellule, 2004, 2003, je ne sais plus. Je n'avais pas une cellule. Je n'avais rien. J'étais même à l'étranger. Mais j'envoyais de l'argent aux autochtones, les pasteurs qui étaient là, les enfants de Dieu qui étaient là, qui étaient mes amis. Allaient payer. Et j'envoyais les cassettes. À l'époque, il n'y avait pas de CD, c'était des cassettes. Je payais 1 million de francs CFA. Radio Siantou, qui est Yaoundé, la privée. Parce que j'ai le fardeau. En fait, c'est précisément la question de l'argent qui sépare les vrais faux prédicateurs. S'il y a des bagarres aujourd'hui, parce qu'il y a trop de faux, et c'est l'argent, s'il y a la haine, s'il y a la jalousie, c'est à cause de l'argent. Est-ce qu'on peut faire, on peut être jaloux pour aller au ciel? La jalousie qui existe aujourd'hui, les critiques, les calomnies. Toute personne qui se met sur les réseaux pour commencer à calomnier, c'est parce qu'il est jaloux, c'est à cause de l'argent, c'est à cause des richesses terrestres. Qu'il y a des calomnies, et toi tu les attires par tes calomnies, tu les attires. Venez chez moi, écoutez-moi. Regarde mon réseau, ou bien ma chaîne YouTube a déjà 100 000 vues. 100 000 vues, tu les as évangélisées, c'est parce que les gens aiment des calomnies. Ils viennent écouter les calomnies, ils viennent écouter des ragots, c'est ce qu'ils écoutent tous les jours pour aller en enfer. Au lieu de se désabonner sur les chaînes qui ne font que critiquer, on fabrique des images, on fait des montages, on montre comment, on ne fait que montrer des conneries qui n'ont pas de sens, qui n'édifient personne, qui ne fortifient personne. L'écriture est claire sur un point. Les derniers agissent invariablement par appât du gain et ne se sont aucunement engagés avec honnêteté envers la vérité. Ce sont des menteurs, des magouilleurs spirituels coupables. La parole de Dieu dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils bouleversent des familles entières en critiquant. Des familles spirituelles, on parle des familles spirituelles, sont bouleversées. Des églises sont détruites par des faux prophètes qui sont sur les réseaux seulement pour critiquer. Ils n'apportent rien de bon. Ils bouleversent des familles entières. Ils bouleversent des églises. La plupart des gens se découragent. Je ne veux plus écouter tel parce qu'on a indexé, on a fait un montage, on a dit ceci. Ils bouleversent des familles entières. Il s'agit ici des familles spirituelles pour un gain honteux. Après, comment se dire, envoie-moi l'argent. Il te dit d'abord, la dîme n'est pas biblique. Après, il te dit que j'ai un projet. Envoie-moi de l'argent. Et tu envoies. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tite, chapitre 1er, verset 11. Tite, chapitre 1er, verset 11. Jude s'est d'ailleurs exclamé, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Jude chapitre 11. Jude chapitre 11. Pas le chapitre 11, Jude a un seul chapitre, mais c'est le verset 11. J'ai d'abord dit Tite, chapitre 1er, verset 11, et Jude, le verset 11, c'est un seul chapitre. Jude, oui. Verset 11, il est écrit. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam. Que pour un salaire. Ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. C'est tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament où Dieu a enterré les gens. Et pourquoi il le dit dans le Nouveau Testament? Parce qu'il y a aussi des chrétiens aujourd'hui dans cette révolte, dans cette rébellion, qui sont enterrés spirituellement. L'enterrement spirituel peut se manifester financièrement, matériellement, tout ce qui est dit autour de ces versets qui sont en train d'être cités. Oui, c'est fini? C'est fini. Voilà. Ce sont les écueils de vos agapes, où sans crainte ils festoient et se repaissent, nuées sans eau, emportées par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois mort, déraciné. Ici donc, Jean commence à enseigner. Il révèle d'abord, il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans la bouche de ces gens-là? Abominable, quel serviteur de Dieu! Voleur ceci, machin truc, et l'autre est comme ça. L'autre, on ne fait qu'ovationner ce genre de propos sur les réseaux sociaux. Il faut voir comment les incrédules et tout ce monde, la croyant, né de nouveau, partage ces vidéos. Mais lorsque l'évangile de la bonne nouvelle du salut est prêché, personne ne partage. Aucun commentaire. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que quand tu regardes les vidéos de ces gens qui calomnient, il y a 1000 commentaires. Mais les vidéos d'enseignement, les enfants de Dieu qui viennent regarder, aucun commentaire. Il n'a même pas le temps d'ailleurs. D'ailleurs, il n'achève même pas. Il commence à écouter une vidéo, à regarder. Après, le sommeil l'emporte, rempli de démons. Le sommeil l'emporte. Il n'écoute pas jusqu'à la fin. Une des caractéristiques qui définit Tout cœur humain esclave du péché est l'orgueil. Moi, je suis ceci. Écoutez-moi, c'est moi qui est comme ça. C'est moi qui est ceci. L'autre là, c'est un faux. L'autre là, c'est un bandit. L'autre là, c'est un escroc. L'autre là, c'est ceci. Moi, je vous dis ceci. Et il tranche tout. Ne payez plus la dîme. Ne payez plus ceci. C'est l'orgueil. Il connaît tout. L'orgueil pousse les gens à reléguer Dieu aux oubliettes. D'abord, pour commencer, à lui être infidèle. Infidèle dans cet enseignement parce que l'infidélité ne touche pas tout simplement la relation entre l'homme et la femme. L'infidélité est d'abord spirituelle. Le faux prophète qui n'annonce pas l'évangile est déjà infidèle. La première mission d'un enfant de Dieu, avant même de devenir prophète ou bien apôtre ou pasteur, c'est d'abord annoncer la bonne nouvelle du salut faite de toutes les nations des disciples. Et dès que tu n'es plus enfant de Dieu, tu n'es plus prophète, tu n'es rien d'autre qu'un rebelle. Et c'est à ce niveau que le démon de rébellion se manifeste de nos jours chez les faux prophètes. Il n'annonce pas l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Demande-lui que l'enfant, le monsieur ou bien la dame que tu appelles ma fille spirituelle, tu l'avais annoncé l'évangile. Il te détache de la maison de ton père spirituel. Il fait de toi son enfant pour t'amener où? En enfer. En enfer. Comme ce fut le cas du diable, l'orgueil pousse les gens à vouloir s'exalter eux-mêmes. À vouloir s'exalter eux-mêmes. Moi, je suis. C'est moi, je suis grand. Je suis ceci. Là où j'entre, là où je vais, là où je mets le pied, j'ai des relations, on entend ça matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, sur les médias, partout. Quel est l'esprit qui anime ces serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu? Je ne pense pas, je ne crois pas. On entend que le jeu, j'ai fait, je suis. C'est le jeu qu'on entend, l'orgueil. Il y a toujours eu des gens orgueilleux, égocentriques, cherchant à se glorifier, à usurper l'autorité, à occuper une position bien en vue et à s'élever au-dessus des autres, même de Dieu. Ce ne sont pas là les caractéristiques du diable. Ils ont tendance à faire grand cas de leur personne. Et à manœuvrer pour se propulser à une position de pouvoir, d'influence et de prééminence. Il va vous manœuvrer. C'est pourquoi de nos jours, quand les serviteurs de Dieu se mettent ensemble, nous allons créer une fédération des églises. Et ça finit toujours par s'exploser. Pourquoi? Parce que celui qui veut être président de cette fédération, il ne supporte pas que l'autre soit président. L'autre veut être secrétaire, il ne supporte pas que l'autre... Et ça finit toujours par s'éclater. Et dans plusieurs pays aujourd'hui, il y a au moins 4 fédérations des églises réveillées. 3 fédérations des églises réveillées. On se pose des questions. Quel est l'esprit qui anime les pasteurs de nos jours? Quel est l'esprit qui anime? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Et quand on sait que les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, qui n'existe pas du tout. Ce sont des critiques, ce sont des insultes, des calomnies, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Dans le. C'est pas le corps de Christ. Je ne peux pas appeler ça corps de Christ. Je ne peux vraiment pas me tromper et appeler ça corps de Christ. L'histoire de l'orgueil humain a débuté dans le jardin d'Éden, comme ce fut le cas lors de la chute de Satan. L'orgueil a joué un rôle primordial dans les gestes de désobéissance au ciel et aussi dans le jardin d'Éden. C'est pas l'orgueil. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a condamné Satan. Il a condamné Adam et Ève. Alors, l'orgueil qui se manifeste sur toi, dans l'église du Seigneur aujourd'hui, tu penses que toi, tu ne seras pas condamné? Parce qu'on apprêche aujourd'hui la doctrine de la grâce. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu iras quand même au ciel. C'est faux. Frère, l'orgueil précède la chute. Ça précède quoi? La chute. C'est ma vie. Moi, je suis. L'orgueilleux ne peut jamais se repentir. Il trouve toujours des raisons, des échappatoires. Il analyse à sa façon. Non, on ne doit pas faire ça parce que je ne dois pas. On me demande de se repentir. Je dois me repentir, j'ai fait quoi? Voilà l'orgueilleux. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que Satan pouvait se repentir? Est-ce qu'Adam pouvait se repentir? Adam a accusé plutôt Dieu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc Dieu a mal fait de te donner une aide. L'orgueil, frère, homme de Dieu, enfant de Dieu. Voici les caractéristiques d'un faux prophète. Là, je m'adresse à ceux qui se disent nés de nouveau. Parce que dans le monde, dans la religion, on dit les faux prophètes parce qu'ils font de faux miracles. Il a prophétisé et ça ne s'est pas accompli. Ce n'est pas là que commence la manifestation d'un esprit de faux prophète. Ça commence exactement là où j'ai commencé. Suis le message du début jusqu'à la fin. La deuxième partie de ce message va suivre. Et c'est ce que nous allons écouter. Toujours les signes du faux prophète. Le faux prophète fait des choses abominables. Donc nous allons conclure le message et dire aux uns aux autres de suivre. Sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, afin que tous les soirs, il y a ce qu'on appelle la prédication, les enseignements, de s'abonner. Il faut s'abonner. S'il n'y a pas d'abonnement, vous ne pouvez pas suivre tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. N'oubliez pas aussi qu'il y a des cultes au Temple des Nations Paris. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Viens ici.